Tout au bout de la table, quatre gars, des voisins, préparaient des farces aux mariés. Ils semblaient en tenir une bonne, tant ils trépignaient en chuchotant. L'un d'eux, soudain, profitant de moments de calme, cria « C'est les braconniers qui vont sonner cette nuit, avec la lune qu'il y a. Dis donc, Jean, c'est pas cette lune que tu gâteras, toi. » Le marié brusquement se tourna. « Qu'ils y viennent, les braconniers !» Mais l'autre se mit à rire. « Ah, ils peuvent y venir. Tu quitteras pas ta besogne pour ça. » Toute la tablée fut secouée par la joie. Le sol en trembla, les verres vibrèrent. Mais le marié, à l'idée qu'on pouvait profiter de sa noce pour braconner chez lui, devint furieux. « Je dis que ça, qu'ils y viennent !» Alors, ce fut une pluie de polissonnerie à double sens qui faisait un peu rougir la mariée, toute frémissante à l'attente. Puis, quand on eut bu des barils d'eau-de-vie, chacun partit se coucher, et les jeunes époux entrèrent en leur chambre, située au rez-de-chaussée, comme toutes les chambres de ferme. Et, comme il y faisait un peu chaud, ils ouvrirent la fenêtre et fermèrent l'auvent. Une petite lampe de mauvais goût, cadeau du père et de la femme, brûlait sur la commode, et le lit était prêt à recevoir le couple nouveau, qui ne mettait point, à son premier embrassement, tout le cérémonial des bourgeois dans les villes. Déjà, la jeune femme avait enlevé sa coiffure et sa robe, et elle demeurait en jupon, délassant ses bottines, tandis que Jean achevait un cigare en regardant de coin sa compagne. Il la guettait, d'un œil luisant, plus sensuel que tendre, car il la désirait plutôt qu'il ne l'aimait. Et, soudain, d'un mouvement brusque, comme un homme qui va se mettre à l'ouvrage, il enleva son habit. Elle avait défait ses bottines, et maintenant, elle retirait ses bas. Puis elle lui dit, le tutoyant depuis l'enfance, « Va te cacher là-bas, derrière les rideaux, que je me mette au lit. » Il fit mine de refuser, puis il y alla d'un air sournois, et se dissimula, sauf la tête. Elle riait, voulait envelopper ses yeux, et il jouait d'une façon amoureuse et gaie, sans pudeur apprise et sans gêne. Pour finir, il céda. Alors, en une seconde, elle dénoua son dernier jupon, qui glissa le long de ses jambes, tomba autour de ses pieds et s'aplatit en rond par terre. Elle l'y laissa, l'enjamba, nue sous la chemise flottante, et elle se glissa dans le lit, dont les ressorts chantèrent sous son poids. Aussitôt, il arriva, déchaussé lui-même, en pantalon, et il se courbait vers sa femme, cherchant ses lèvres qu'elle cachait dans l'oreiller, quand un coup de feu retentit au loin, dans la direction du bois dérapé, lui sembla-t-il.